Amen. Amen. Taomba Mungu. Je vais prier. Tunakushukuru Mungu. Nous t'aimons, ô Dieu, ce soir. Car nous avons vu ta grâce. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour l'œuvre de la croix. Sans toi, sans que tu aies fait ce service, jusqu'aujourd'hui nous serions esclaves du péché. Aujourd'hui nous nous disons enfants de Dieu. C'est à cause de l'œuvre que tu as accomplie. Merci au roi. Nous sommes venus ici. Nous voulons adorer sous le sang qui a été répandu. Et pitié de nous, de toutes nos iniquités. Pardonne-nous pour toutes nos faiblesses. Nous venons ici pour t'offrir nos cœurs, afin que tu puisses les guérir et que tu puisses les sauver. Bénis chacun de nous en ta présence. Bénis la parole que nous allons lire. Ça a été écrit par l'inspiration du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit descende pour nous enseigner et puis pour nous donner la vie. Bénis toute âme qui est venue ici, guéris les malades, assiste chacun, car nous te demandons avec foi, dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce soir, je salue l'Assemblée dans le nom de Jésus-Christ. Levons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Samuel, chapitre 1. Samuel wa pili, sura ya kwanza. Verset 12. Mstari yake ya 12. Ils firent dans les deuils, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir. Wote wakakuwa katika kilio, wakalia na wakafunga chakula tofika magharibi. Juu ya Saul na Jonathan mwana wake. Du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Wa mtaifa wa milele la ba munyumba Israeli kwani walikufa kwa mpanga. David au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles. Daud akasema na ule kijana alimletea ile mahabari. D'où es-tu? Wewe uko wapi? Et il répondit, je suis le fils d'un étranger d'un Amalécite. Na kijana kajibu, mie ni mtoto wa mgeni wa Amalécite. David lui dit, Daud akamonesha, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? Kwa nini au kuogopa kunyosha mkono wako juu ya mpakaliwa wa milele na kumua? David appela l'un de ses gens et dit, na Daud akaita mmoja watu wake na kusema hivi, karibia na umue. Cet homme frappa la malécite. Ule mtu akampiga ule malécite. Il mourit. Na akakufa. Et David lui dit, na Daud akasema naye, et ton sang retombe sur ta tête. Damu yako ipate kuanguka yule wa kichwa yako. Ta bouche a déposé contre toi. Kwani kinywa chako kilishuhudia juu yako. Puisque tu as dit, juu ulisema, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. Niliua mpakaliwa wa milele. Mungu abariki usomi wa neno lake. Que Dieu bénisse la lecture de ta parole. Vous pouvez vous asseoir. Voici le cantique funèbre de David que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils. Mstari 17. Tazameni nyimbo ya kilio ile Daud alitunga juu ya Saül na juu ya Jonathan mwana wake. Et il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. Na akamuru wapate kuyafundisha kwa watoto wa Yudea. Le cantique d'arc. Ni nyimbo ya upinde. Il est écrit dans les livres du juste. Imeandikwa ndani kitabu ya mwenye haki. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Fundi wa Israeli alikufa juu ya milima ndogo zako. Comment des héros sont-ils tombés? Je washujaa waliwezi kuanguka. Ne l'annonce point dans Gade. Mushitangaze kamwe mugadi. N'en publiez point la nouvelle. Mushipeleke habari dans la rue d'Ascalon. Mubabalabala balabala Ascalon. Les Philistins ne se réjouissent. Kwa hivi wabintu wa Filistini washukuriwe. Les filles des incirconcis ne triomphent. Kwa hivi Walevi, wabinti, wa watu washo kutairi, washangilie. Je, washujaa waliwezi kuanguka katikati ya vita? Je, Jonathan aliwezi kufa yule ya milima zako? Niko katika uchungu juu yako Jonathan, ndugu yangu. Wewe ulikuwa unaleta furaha yangu yote. Pour moi était admirable. Upendo yako juu yangu ulikuwa kushangaisha. De l'amour des femmes. Ya kupita hata upendo ile tuko najua banamuke. Comment des héros sont-ils tombés? Je, washujaa waliwezi kuanguka? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Je, masilaha yao iliwezi kupotea? Kama tuko nasema hivi. Si nous parlons ainsi. How the heroes are fallen. Namna gani washujaa waliwezi kuanguka? How the Christian are fallen today. Namna gani wakristo wanaanguka leo? How the servant of God are fallen today. Namna gani watumishi wa Mungu wanaanguka leo? Kama tuko najiuliza yafai tupate jibu. Si nous nous posons ces questions, certes nous devons avoir des réponses. Nous devons rechercher. Konaenda munjia. Tu vas sur la route. Unakuta gari inashaanguka. Vous trouvez un véhicule qui a connu l'accident. Tu dois te poser la question. Comment s'est-il renversé ici? Moto alianguka je hapa. Comment la moto s'est renversée ici? Amen. Amen. Jo mambo ile tuko najifunza hii magharibi. Eh, c'est sur ça que nous allons nous entretenir ce soir. Kama tuko nasema, comment les héros sont-ils tombés? Aina juu ya kubachekelea. Ce n'est pas pour se moquer d'eux. Aina juu ya kubashimanga. Ce n'est pas pour les médire. Lakini juu tubebepo fundisho. Mais c'est pour que nous puissions y tirer une leçon. Kama balianguka. Si eux sont tombés. Kisha tunaona kile kilimwangusha huyo héros. Et nous voyons ce qui a été à la base de leur chute. Nipatie akili. Que cela puisse me donner de l'intelligence et que je sache comment prendre une position. Ili nishangukie mukosa moya moya. Afin que je ne puisse pas tomber dans la même faute. Ili nishukue kuangukia mukosa moya moya. Afin que je ne puisse pas tomber dans la même faute. Tunasoma nous lisons wa Korinto wa kwanza sura ya 10. Chapitre 10. Wakorinto wa kwanza sura 10. Verset 1. Mstari ya kwanza. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Wanduku, sipendi mupate kusahaulika kwamba wababu zetu wote walikuwa chini ya wingu. Ils ont tous passé au travers de la mer. Wote walitambuka bahari. Qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans le nuée et dans la mer. Wote walibatizwa ndani ya Musa katika wingu na bahari. Les mêmes aliments spirituels. Wote walikula chakula moja moja ya kiroho. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Na wote walikunywa kinywaji moja moja ya kiroho. Ils vivaient à un rocher spirituel qui les suivait. Kwani wote walikuwa nakunywa kumwamba ya kiroho alikuwa anabafuata. Na ile mwamba alikuwa ndio Kristo. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Lakini wengi katikati yao hawakumpendeza Mungu. Dans le désert. Juu walikufa katika jangwa. Oh. Japo ces choses sont arrivées pour nous. Maneno haya, servir d'exemple. Maneno haya ilifika ili pate kusaidia kwetu ama mfano. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme il en a eu. Ili tusipate kwa nania mbaya ili bobo alikuwa nayo. Amen. Kisha vita na wa Filistini. Après avoir mené la guerre contre les Philistins. Tuliona kusema. Nous avons vu que David anabeba victory. David s'en est sorti vainqueur quand il est rentré de France. Après avoir mené la guerre contre les païens, il est rentré avec l'allégresse, il est rentré avec la joie. Les femmes chantaient, ils chantaient bien, mais ce qui est mal, ils chantaient, ils glorifiaient un homme. David en a tué 10 000, mais Saül en a tué ne plus que 1 000. Elle chantait comme ça. Il rentrait de la guerre. Et il chantait pour leur victoire. Mais lorsque Saül a pris cela, cela lui fit mal au cœur. Ça ne l'a pas réjoui. Il s'irrita. Il a regardé d'un mauvais œil David. Et la guerre a repris maintenant entre David et Saül. La guerre a commencé. Et c'est Saül qui pourchassait David. Comment puis-je le tuer? Mais car il m'a arraché toute ma gloire, c'est moi qui suis roi. Toute la gloire doit me revenir à moi. Nous avons vu que tu dois être prudent et faire très attention à ce que la popularité, Kavumu, tue beaucoup de certains de Dieu. Beaucoup sont tombés à cause de la popularité. Amen. Amen. Êtes-vous édifié église? Vous avez construit une grande église? Vous avez bien fait. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais que d'autres ne puissent pas souffrir car ils ne construisent pas comme vous. Amen. Amen. Si vous avez construit tel que vous l'avez fait, et jusqu'à que vous allez encore faire le finissage, c'est une bonne chose que vous faites. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est la parole de Dieu que vous avez accomplie. Mais il faut pas que dans votre esprit, il y ait cet esprit d'orgueil. C'est nous qui avons l'église. C'est nous qui avons une belle église, un bel pasteur. Il ne faut pas te vanter à cause de ces murs, de ces bâtiments, mais tu dois te vanter, glorifier à cause des gens qui sont dans l'intérêt. S'ils sont nés de nouveau, ils ont le Saint-Esprit. Car au ciel, et celui l'auteur de quand il viendra, il demandera à toi, il ne va pas demander les ciments, il ne va pas demander l'argent que vous avez investi pour construire ce bâtiment, mais il va demander les âmes, combien d'âmes tu vas amener dans sa présence, tu vas lui amener combien d'âmes, tu vas arriver dans sa présence avec combien d'âmes. Construire, c'est une bonne chose. Prêcher, c'est une bonne chose. Mais, et la certitude que par ma prédication, combien sont-ils, vous pouvez bien prêcher, peut-être que vous faites même des miracles, vous faites ceci et cela, mais demande-toi, quand je suis en train de prêcher, est-ce que j'édifie ou bien je suis en train de détruire? Laissez que toute la gloire soit rendue à Dieu. L'homme est inutile. L'homme, vous pouvez le glorifier aujourd'hui. Vous l'élevez tellement. Mais il y a un jour, il va oublier tout ce que tu as fait pour lui. Dieu n'est pas comme un homme. Dieu, quand vous faites quelque chose de bien, en sa faveur, un jour, il peut faire comme s'il a oublié. Rappelle-lui, ces jours-là, j'avais fait ceci pour toi, j'ai fait ceci pour toi. Et Dieu te paiera. Dieu n'est pas comme un homme. C'est vrai, hier, nous nous sommes arrêtés là où Géasi, lorsque Naaman, il était malade de la lèpre, il est venu devant les serviteurs de Dieu Élisée, guéris-moi. Élisée lui a dit, il lui a dit que selon la parole de Dieu, et Naaman fit cela, il fut guéri. Après qu'il soit guéri, alors qu'il avait amené des vêtements, de l'argent, des présents qu'il avait déjà préparés pour offrir au serviteur de Dieu pour ce qu'il avait fait. Et le serviteur de Dieu n'a pas accepté cela, il a refusé, il a dit non, la guérison. Le ministère, je l'ai eu gratuitement, et moi, je te donnerai aussi gratuitement. Alors l'autre ici, Géasi, s'est dit que alors nous, dans notre ministère, quel est le jour est-ce que nous allons nous enrichir dans notre ministère? Quel est le jour est-ce que nous allons obtenir des gains? Quelqu'un qui nous a, nous n'avons pas demandé cela, de lui-même, il nous a apporté. Alors le serviteur de Dieu refuse. C'est vrai. Géasi est parti. Maintenant c'est une autre face que nous voyons, car l'argent c'est une arme du diable. Il fait tomber les enfants de Dieu par l'argent. Amen. À cause de l'argent, beaucoup des serviteurs de Dieu sont tombés. À cause de l'argent, beaucoup de frères sont tombés. À cause de l'argent, beaucoup de sœurs sont tombées dans la foi. Pourquoi êtes-vous tombés, vous les héros? Relevez-vous. Tenez-vous debout. Restaurez votre force. Travaillez comme jadis. Amen. Amen. Gehazi, il a fait le malin, il est parti discrètement, il a suivi Naaman. Naaman, après qu'il soit parti, Gehazi, comme il avait vu l'itinéraire qu'avait emprunté Naaman, il l'a poursuivi. Arrête-toi. C'est quoi? Juste quand tu es sorti, et le serviteur a reçu les visiteurs, alors il m'a envoyé pour que je vienne prendre tout ce qu'il avait refusé, que tu puisses me les donner. Il a même ajouté de mensonges. Et Naaman n'a pas résisté. Je vous ai apporté cela, vous pouvez le lui amener. Il lui a tout donné. Et Gehazi est rentré. Il a caché. Et là où il a caché, il n'y avait personne qui l'avait vu, mais l'esprit de Dieu le voyait. Mais l'œil de Dieu le voyait. Et après quoi, Gehazi, il est revenu devant Gehazi, comme s'il n'a rien fait, comme s'il n'a pas fait quelque chose. Comme nous sommes assis là-bas, si vous regardez l'un, il est saint, l'autre, tout le monde est saint ici. Il n'y a personne qui connaît ce que tu as fait, il n'y a personne qui connaît tes faiblesses, il n'y a personne qui connaît tes péchés. Mais il y a quelqu'un, Jéhovah, son œil veille sur toute ta vie. En tout lieu tu te retrouves, que tu sois en ville, que tu sois au champ, que tu sois dans ta maison, ou que tu sois l'œil de l'Éternel, veille sur toi et ça te surveille. Et après, Élisée lui demanda, d'où viens-tu? Oh non, j'étais toujours ici, je ne suis parti nulle part. Toi, mon esprit, ne t'a pas vu toi, quand tu allais chercher prendre le butin, les biens, mon esprit à moi. L'esprit de Dieu, c'est ça l'esprit des serviteurs de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est ça l'esprit des enfants de Dieu. Il dit, quand tu partais, mon esprit ne t'a pas vu. Regarde, la maladie qui avait frappé Naaman, qui t'assoit sur toi, et sur place, il a été maudit. Amen. Amen. Nous devons éviter l'argent. Nous devons fuir tellement cet esprit de cupidité. Beaucoup sont tombés. Sur place, il a été maudit. Il a été en problème sur place. Maintenant, comment puis-je vivre? Car l'argent répond à beaucoup de problèmes. Non. L'argent ne répond pas à tout. Tu peux commettre un péché ici, mais tu as de l'argent. Pour que ton péché soit ôté, Amen. L'argent ne pourra rien faire. Tu peux tomber malade. Tu as l'argent, mais si ton temps est là, l'argent ne pourra rien faire. Avez-vous bien suivi, enfant de Dieu? L'argent aide dans certaines choses, Pas tout. Tu es païen, tu veux devenir chrétien, tu as l'argent. L'argent ne peut pas t'aider à devenir chrétien. L'argent nous aide à certaines choses, mais pas tout. Il y a certaines choses, mais pas tout. La parole de Dieu est elle qui nous aide en tout. Ça nous apporte solution à tous nos problèmes. Un jour, ce sont les disciples Paul et Barabbas. Ils ont trouvé quelqu'un qui était malade. Il était estropié, boiteux. Après avoir prié pour lui, il était guéri. Il était tenu debout et il a marché. Et les gens ont vu cela. Cet homme ici qui a fait beaucoup d'années, il n'était pas guéri, aujourd'hui il est guéri. Oh. Les gens, le prêtre de cette ville-là est allé prendre les offrandes pour venir leur offrir cela. Et même les gens de cette cité ont dit non, ce n'est pas faisable. Ces gens-ci, ce sont des dieux. Mais c'est Dieu qui s'est manifesté par ces gens. Dieu est déjà descendu. Et ce sont ces gens que nous voyons, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Et après, ce prêtre-là, il a dit même à l'assemblée que chacun de vous apporte un bœuf, une vache, apporter cela, nous allons les offrir. Qu'est-ce que les disciples ont dit? Ils ont refusé cela, cette gloire. Mais toi, pourquoi tu acceptes cette gloire? Comment arrive à t'adorer, pourquoi vous doué, tu t'es vraiment éloigné. Bientôt là, tu vas tomber, oui, tu gars. Il ne faut pas tomber sur ça. Il ne faut pas tomber à cause de la popularité, la gloire est temporelle. Il faut laisser que toute la gloire soit rendue à Dieu. Toi, en tant qu'humain, tu vas tomber lorsqu'on commence à te glorifier. Il faut refuser cette gloire-là. Paulo, Barnabas. Paul na Barnabas. Amen. Ils se sont fâchés. Ils n'ont pas dit non, avec complaisance, non. Ils étaient fâchés. Ils ont dit que non, arrêtez cela. La Bible dit qu'ils ont même déchiré leurs habits. Toi aussi, déchire ton cœur. Déchire ton cœur. Dès que tu entends, et à gauche, à droite, on te glorifie, tu dois déchirer ton cœur. Et on déchirait leurs habits. Ils ont dit, vous les hommes, arrêtez cela. Nous ne sommes pas des dieux. Dès que vous commencez à adorer, là, ce sont des statues. C'est une idole que vous adorez pendant que vous m'élevez moi. Vous devez élever lui-même. Amen. Amen. Si tu pries pour quelqu'un et il est guéri, ce n'est pas par ta force. Amen. Amen. Ils ont dit, regardez, nous sommes des humains, des créatures comme vous. Nous avons été créés comme vous. Arrêtez cela. Ce sont des choses que nous vous interdisons. Il ne faut pas adorer des idoles. Si vous m'adorez moi, c'est une idole. Aujourd'hui, si nous amenons toute la gloire à Branham, c'est que nous commençons à adorer maintenant des idoles. N'adorez pas Branham, n'adorez pas les pasteurs, adorez Jésus-Christ, car c'est le héros, lui seul, qui est mort pour nous tous. Amen. Amen. Ils ont déchiré leurs habits, ils ont dit, regardez, nous sommes des hommes comme vous. Toi aussi, déchire-toi dans ton cœur, dis à cet homme-là, regarde, je suis un homme faible comme toi, faillible en moi, il n'y a rien de bon, en moi, il n'y a pas la guérison, en moi, il n'y a pas le salut. C'est lui qui sauve, c'est Jésus-Christ lui seul. C'est lui qui guérit, c'est Jésus-Christ lui seul. Laissez que toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Ils ont refusé d'être glorifiés. Ils ont refusé d'être adorés. Nous aussi refusons d'être adorés. Il ne faut pas nous glorifier, être glorifiés par les hommes. Il ne faut pas chanter pour la gloire de Branham. Comme les autres chantent aujourd'hui. Oh, c'est lui le Père. C'est lui qui était qui. C'est lui le Sauveur. Sans Branham, nous ne serions pas sauvés. C'est faux. Branham a été sauvé par la grâce. Moi aussi j'ai été sauvé par la grâce. Toi aussi tu es sauvé par la grâce. Le salut et Branham et nous tous nous sommes les mêmes. Nous avons été sauvés par la grâce de Dieu. Branham eut seulement la faveur de Dieu. Ce n'est qu'une faveur. Même ce message ici que je vous apporte, ce n'est pas un message de Branham. Amen. Amen. Ce n'est pas le message de Branham, mais je vous apporte le message de Jésus-Christ qui a été envoyé à l'épouse Jésus-Christ, à son église, et il a donné maintenant ce message à Branham. Va apporter cela. L'auteur du message, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas Branham. Branham a pris seulement le message et il a apporté. Son travail s'est arrêté là, il est allé se reposer. Amen. Amen. Why the euros are fallen? Duanini wa hero biko nanguka, beaucoup sont tombés. Ils glorifient Branham. Ils ont oublié celui qui a envoyé même Branham. Celui qui est important, c'est celui qui l'a envoyé. Lui, c'est lui qui nous sauve. C'est lui qui a un message pour nous. Il dit, sortez du milieu de mon peuple, car Babylone, Babylone, Castrique, Babylone, quand vous êtes avec vraiment, vous serez châtié au même moment que Babylone, sortez du milieu d'eux. Amen. Amen. L'argent a fait tomber beaucoup de gens. Mon frère et ma soeur, il ne faut pas tomber à cause de l'argent. Voyez-vous, ta chute, toi-même, si tu tombes, l'église est confuse. L'église se retrouve dans la honte. Là, tu as jugé ton corps sur l'église à cause de toi seul. Tu vois, quand tu tombes, comment la nouvelle se répand, ça se répand. Maintenant, si c'est un monsieur l'abbé, tu commets le même péché que tu as commis, pour lui, ça va s'arrêter seulement en un jour. Mais quand toi, tu commets un péché, ça se répand partout. On en parle. Vous devez vous garder, vous préserver. Vous devez vous préserver, vous, en tant qu'enfant de Dieu. Vous êtes une propriété d'autrui. Vous êtes une propriété de Dieu. Vous devez vous garder dans la parole de Dieu. Vous devez vous sanctifier. Arrêtez avec le péché. Abandonnez tout mal. Venez à Dieu. Amen. Amen. Un seul héros s'il tombait au milieu de nous, là nous tous nous serons dans la honte et on va commencer à chanter. Voyez-vous ici ce que David dit, il a crié pour dire que non, il ne faut pas répandre la chute des Saül. Les pentecôtistes vont chanter, les catholiques vont célébrer. C'est vous qui avez dit, qui disait que c'est vous qui êtes dans la vérité. Vous qui êtes la vérité, venez voir, venez écouter. Le vôtre est tombé ici. Amen. Amen. Et cela attire la honte. Aujourd'hui, quand vous vous rencontrez sur la route avec une sœur ou bien un frère, et tu vas en te cachant à cause de la honte, comment les héros sont en train de tomber, ils attirent la honte. Même pour ceux-là qui sont affermis, tu dois faire très attention. Si l'un de nous tombait, si l'un de nous commettait un mal, ce n'est pas ton travail à toi d'aller vraiment divulguer. Cela, c'est devenu pour toi une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Amen. Amen. Voyez, quand si c'est la sœur, elle va maintenant beaucoup parler, répandre cela. Et les téléphones qu'on nous a amenés par les Chinois ici, la personne ici, il ne connaît même pas, alors que tout ce qu'il a fait là, on l'a déjà amené cela. C'est déjà arrivé aux États-Unis, je ne sais où. Ça, ce n'est pas la position des enfants de Dieu. Ça, ce n'est pas ça, le travail des enfants de Dieu. Vous jetez l'opprobre, évitez de beaucoup parler. Même si vous l'avez vu tomber, tu dois beaucoup pleurer comme David. David a organisé un deuil à cause de son ennemi. C'est lui qui l'a pourchassé. Il est tombé, il est mort. Si c'était toi, si c'était moi, si c'était le pasteur. Amen. Amen. Amen. Que puis-je dire? Que tu apprends, seulement que tel frère qui t'a toujours fait souffrir dans l'église, il est mort. On l'a tamponné et il est mort sur place. Il s'est joué de mon ministère. Il s'est joué de mon Dieu. Moi, on ne se joue pas de moi. Moi, je suis vraiment un homme spécial. C'est faux. C'est une grâce que tu as reçue. Tu es un homme comme tous les restes. Nous ne sommes pas différents de ceux qui sont assis sur le banquet. Eux et nous, nous sommes seulement la même personne. Alors il a eu la leçon. Il s'est joué de moi, il s'est moqué de moi. Il pensait que si moi j'ai m'agenouillé, il ne peut plus vivre. Nous devons nous humilier. Même si tu sais que c'est comme ça que tu t'es agenouillé et que Dieu t'a toujours répondu, humilie-toi. Quand tu t'élèves, c'est alors que Dieu te rabaisse. Dieu refuse sa grâce à tous ceux qui s'élèvent, mais il fait sa grâce à ceux qui s'humilient. Apprenons à nous humilier. L'orgueil, c'est une très mauvaise chose, car ça n'a pas de remède. Dès que l'orgueil s'élève en toi, c'est très difficile de le guérir. Il faut que l'orgueil l'amène à la chute. Amen. Amen. Le roi Nebuchadnezzar avait oublié celui qui lui avait donné la vie. Il a même oublié celui qui lui avait donné la royauté. Un jour, il marchait dans son palais. Il se disait, tout ça, ça m'appartient. C'est par ma force et que j'ai eu tout ça. Et avec tout ce monde qui est ici, si vous êtes ici dans cette église, c'est à cause de moi. Si je n'étais pas ici, vous ne seriez pas ici. Quoi? Non, pas ça. Il ne faut pas parler de la sorte. Comment as-tu commencé? Qui est entré en toi? Si les gens sont venus ici, c'est à cause de toi. Non. Est-ce que tu connais où était chacun de nous? Est-ce que tu passais partout, nous étions pour nous appeler tous? Non, nous disons, si vous êtes venus ici, ce n'est même pas par votre propre force, mais c'est par la grâce de Dieu. Combien sont dans cette cité? Vous avez laissé combien de gens dans la cité? Ils sont là. Ils font ce qu'ils veulent. Mais toi, la grâce de Dieu est dans ton cœur, t'a poussé à venir l'adorer. Nous ne sommes pas venus ici pour adorer un homme. Nous venons ici, c'est pour adorer Dieu lui seul. Nebuchadnezzar, Dieu voulait maintenant l'humilier. Et dans son songe, il lui a donné une leçon. Il eut un songe. Il a vu ça, un gros arbre, très haut, avec des sarments, avec beaucoup de fruits. Et les oiseaux sauvages venaient pour picorer cela, pour se réfugier sous cet arbre, pour se reposer, et ainsi que les animaux sauvages. Mais il ne connaissait pas la signification. Il a encore vu, cet arbre-là a été vraiment coupé, et il ne pouvait plus voir cet arbre-là. Amen. Après, il a appelé les gens qui pouvaient bien l'interpréter son songe. Personne n'a pu interpréter le songe. On a fait appel maintenant à Daniel. Lorsque Daniel est arrivé, il lui dit, ce que tu as vu comme le songe, à cause de ta vie. Le jour vient, toi, ta royauté, tu seras arraché. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ce n'est pas par ta force, amen. Ce n'est pas le travail que tu as effectué, c'est la grâce seulement de Dieu, amen. Humilie-toi, tu n'es rien, même aujourd'hui là, tu n'es rien, même si tu as des véhicules, considère-toi comme si tu n'as rien. C'est lui qui a quelque chose, c'est celui qui a le Saint-Esprit, c'est lui qui a quelque chose, c'est celui qui a Jésus-Christ en lui, c'est lui qui est né de nouveau, il a quelque chose de capital, il a une richesse qui dépasse toutes les richesses de ce monde. Amen. Amen. Mais Nebuchadnezzar, après qu'on ait interprété ta royauté, tu seras arraché et ta vie, tu vas aller vivre avec les animaux sauvages, tu vas manger, tu vas vraiment brouter de l'herbe, car Dieu s'est déjà fâché à cause de ton orgueil. Apprenons-nous à parler, alors l'orgueil fait tomber, c'est l'orgueil qui précède la chute. Il faut d'abord que l'orgueil soit en toi. Toi-même, tu sens que vraiment il y a de l'orgueil en moi. Après cet orgueil, ce qui va suivre maintenant, c'est ta chute. C'est ta chute. Voilà pourquoi il ne faut pas t'enorgueillir. Même si tu as une voiture, même si tu as un avion, même si tu as la plus belle maison, il ne faut pas t'enorgueillir pour ça, mais tu dois te glorifier à cause de l'œuvre de Golgotha. Amen. Amen. Car là à Golgotha, c'est là où nous avons vu le héros, héros Mainchiote, Olimongo Mzima, Shuja Olimongo Mzima pour toute l'humanité, Jésus-Christ, comme David, Jésus-Christ, il a vu que nous étions maintenant sous l'autorité du diable, ça ne l'a pas plu, comme David aussi, ça ne l'avait pas plu, de voir les enfants d'Israël être dominés par cet homme-là, par ces gens-là qui, ça ne l'a pas arrangé, ça ne l'a pas vraiment arrangé. De la même façon, Jésus-Christ, nous voyons, dominés par les démons, nous servons le diable, ça ne l'a pas édifié, il est descendu, il a été envoyé pour qu'il vienne nous délivrer, nous sortir de la servitude. Et ici où nous sommes assis, Nous n'attendons pas qu'il vienne nous sortir de l'esclavage. Il nous a déjà sortis de la servitude il y a longtemps. Il a déjà accompli cette œuvre. Amen. Amen. Shuja, Jésus-Christ, quand il est venu sur cette terre, on lui a donné des noms. Comme héros David, on lui a donné aussi des noms devant Goliath. On lui a donné des noms, ces jeunes hommes ici. Il a tellement négligé la même façon Jésus aussi, quand il est descendu sur cette terre, lorsqu'il est entré dans l'œuvre du salut. Amen. On lui a donné beaucoup de noms. Oh, ni Belzeboul. C'est lui vraiment le chef des démons. Amen. Amen. Un autre chantre dit que celui-ci, son nom, c'est un homme de chagrin, un homme de souffrance, habitué aux douleurs. Amen. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen. Amen. Shuja, quand tu es descendu sur cette terre, Esaïe dit, quand vous le regardez, c'est moi son visage, regardez son visage, on l'avait déformé, on l'a vraiment déformé. Qui ont fait cela? C'est pour ses enfants, ses propres créatures. Ils l'ont rejeté, ils l'ont tapé, au point que même son visage a été déformé. Quand vous le regardez une fois, vous ne pouvez pas retourner pour le regarder pour la seconde fois. Qui ça? Le Sauveur. Qui ça? Shuja, notre héros. Il était venu juste pour nous frayer un chemin. Il a frayé le chemin et il dit, pour venir là où je suis, il doit passer par où moi je suis passé, alors que tu arriveras là-bas. Amen. Et après, Shuja, comme je vous ai dit, comme j'ai vu cela à Lubumbashi, j'ai vu là-bas, j'ai trouvé, il y a un monument là-bas, ce monument-là, du héros, et ce héros-là qui est mort pour le Congo, le martyr, on a même monté un monument. Quand vous le regardez, ça ressemble à lui-même. Quand vous regardez le monument, ça te rappelle le travail qu'avait effectué cet homme-là. Quand vous le regardez, tu te rappelles de toute l'histoire. Cet homme avait fait ceci. Amen. De la même façon, si les gens construisent comme ça, ils ont vraiment sculpté ces monuments qui ne marchent pas, mais à cause de Jésus, ainsi que l'œuvre qu'il a accomplie, tout ce qu'il a réalisé pour notre salut, il a laissé des monuments. Amen. Pas seulement au Congo, mais au Kumbusho, se trouve partout, là où il y a un croyant, tout croyant qui est ici, tout croyant qui a cru à l'œuvre de Gogota, c'est un monument de Jésus. Voilà pourquoi tu dois être semblable à lui, car tu es un monument, on a onekanisha, c'est que lui-même était, quand il était encore sur cette terre, la manière dont il a marché, toi tu dois aussi marcher de la même façon, comme il a chanté, toi aussi tu dois chanter, comme il a prêché, toi aussi tu dois prêcher. Amen. Amen. Fuyez la gloire, la popularité. Nebuchadnezzar, c'est ce qui lui est arrivé. Il s'est retrouvé maintenant un jour, son corps humain a changé, il est devenu vraiment un animal avec des griffes, des ongles poussés, tout son corps était devenu velu, avec des poils sur place. L'homme qui s'est glorifié pour ce monde, il a regardé, celui-là c'est un homme, l'autre c'est un homme, mais moi, un animal, tout homme qui n'a pas Jésus en lui, c'est un homme animal. Amen. Tout homme qui n'a pas Jésus, qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un homme animal. Mais il ne faut pas rester homme animal. Ce soir, tu es dans la présence du Créateur. C'est lui qui a le pouvoir. Yakoku Badirisha. Que tu sois à son image. Que tu sois son enfant. Il a le pouvoir ce soir. Si tu te reconnais, tu trouves que tu reconnais que mon état ne reflète pas celui qui m'a créé, dis-lui, il a le pouvoir. Yakoku Badirisha, tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Tu vas rentrer Mount Yakoku Badirisha. Amen. Why the heroes are fallen? Jua nini washuja wananguka? Dada, njua franga. Un homme te propose juste à cause d'un peu d'argent et vous tombez et vous apportez la honte à la parole de Dieu. Hello. Shuja. Ce n'est pas un homme qui doit trembler devant l'argent. Dès que vous présente l'argent, il va trembler. Non. Tu dois tenir ferme, résister et lui dire que si c'est le débit, va mourir avec ça. Moi, j'ai le dollar à moi, que tes yeux ne voient pas en moi. Il y a une richesse, que Dieu a placée en moi. Et cette richesse-là, c'est la parole de Dieu. Je ne peux pas suivre cela à cause de 3 dollars ou à cause de 100 dollars. Je ne peux pas suivre cela. Où sont ces héroïnes aujourd'hui pour jeter, confondre le diable? Vous tombez à cause de l'argent, vous tombez à cause des vêtements, des choses viles. Amen. Tu t'es grouvi, je ne sais pas si c'est une belle veste, je ne sais pas si c'est une pièce de pagne, si c'est une belle robe. Alors que tes amis en ont déjà porté il y a longtemps. Alors toi tu es en retard, ou Kunyuma. Elles ont déjà porté cela, elles négligent cela. Maintenant, on foule cela à leurs pieds. C'est la poussière. Mais tu te vantes pour ça. Tu dois te glorifier pour le salut. Il ne faut pas te vanter pour les habits. Les habits sont vils, sont inutiles. Le jour de ton enterrement, le jour de ton enterrement, tu verras comment est-ce que les insectes vont se caper tes habits. Mais si ton âme était déjà sauvée, ça doit aller. Tu seras reçu par celui qui t'a servi quand tu étais encore sur cette terre. Juanini. The heroes are fallen today. Washuja yuko nanguka leo. Tunapata haya. Nous sommes dans la honte aujourd'hui. Unamna tuko natembea na neno la Mungu. De la manière dont nous marchons avec la parole de Dieu. Ce n'était pas comme ça au commencement. Haikuwa hivi hapana. Ce n'était pas ainsi. Baminifu ba kumwanzo. Les croyants primitifs. Hawakuwa Samuel. N'étaient pas comme vous. Amen. Amen. C'est ce que nous verrons demain. J'aimerais que nous puissions nous arrêter ici sur les héros. Aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Je n'ai pas terminé. Je ne peux même pas terminer. Il y a beaucoup, c'est le temps que nous n'avons pas. Les héros, comment nous ne nous aimons pas aujourd'hui? Maintenant, nous nous vendons. C'est ton frère, non? Pourquoi nous renions? À cause des mauvais actes. Pourquoi une mauvaise réputation? Amen. Un jour, nous voyons encore le péché d'une femme. Les femmes, comment elles font tomber les héros? Brother, sister. Dougou Dada, si mes soeurs, vous êtes ici, vous n'êtes pas ici pour être des instruments du diable. Le temps pour vous de servir le diable est déjà passé, mes soeurs. M'avez-vous bien suivi? Le temps pour vous de servir, dis-lui que je suis déjà délivré par le héros Jésus-Christ. Je ne suis plus ton esclave. Dis-lui, je ne suis plus ton esclave. Une femme est devenue une arme du diable qui veut faire tomber les croyants. Il prend une femme, il la fait devancer pour faire tomber les enfants des dieux. Toi, ma soeur, tu dois quitter ce groupe d'instruments du diable. Toi, tu es une héroïne de Jésus-Christ. Tiens-toi ferme, comme ton épouse Jésus-Christ s'était tenu ferme ici sur terre. Amen. Amen. Cause des femmes. Jean-Baptiste a été tué. Dio. Une femme a dit non, j'aimerais qu'on puisse me donner la tête de Jean-Baptiste à cause d'une femme. Hérode a compris, a écouté, il a cédé et on est allé livrer. Un héros de Jésus est mort. Qui l'a tué? Qui l'a fait tuer? Qui l'a fait tuer? C'est une femme. Est-ce que Jean-Baptiste était allé la courtiser? Mais à cause d'une femme, un héros est tombé. Un héros est mort. Et nous avons perdu dans notre camp. Amen. Amen. C'est un problème qui attriste. Lorsqu'un frère tombe, lorsque ma soeur est tombée dans les choses de ce monde, vraiment c'est une honte pour nous. Ce n'est pas seulement une honte pour l'église de Kambo. Même nous qui sommes en Zambie, tu nous as vraiment jeté l'opprobre. Qu'allons-nous dire? Amen. Amen. Ce soir, lui, qu'il te donne la force de tenir ferme dans la parole de Dieu, car il y a des héroïnes qui se sont tenues fermes avec la parole de Dieu. Elles ne sont pas tombées et leur nom se trouve dans la Bible. Elles ont tenu ferme. Amen. Amen. Jean-Baptiste est mort à cause d'une femme. David, lorsqu'il était dans sa maison, il marchait. C'était le soir après avoir siesté. Il s'est reposé. Il s'était maintenant tenu debout. Il a regardé au loin. Il vit une femme qui se lavait. A découvert une femme, un instrument si précieux comme toi. Tu t'exposes tellement. Non. Là, tu ne connais pas ce que tu es. Une héroïne de Jésus. Une honte du temps de la fin. Comment peux-tu exposer ton corps comme ça? Non. Sache que à cause de toi, par toi beaucoup de gens meurent. Dieu y a kotuweye, comme Congo y a butamani à Barakufa. Quand il vit, il a envié, il a appelé son militaire, son serviteur, va me chercher, me faire venir cette femme là, Bathsheba. Elle est arrivée et David est tombé avec elle. Il n'y avait personne qui l'avait su. Mais Jéhovah suivait tout cela. Tout est à découvert devant Dieu. Jéhovah voyait. Amen. Amen. Bientôt là, nous allons commencer la prière. Nous allons prier. Il y a des héros qui sont tombés à cause des femmes. Et c'est là que David est tombé. Et quand il est tombé, ils ont fait semblant comme s'il n'y avait pas de problème. Car il n'y avait personne qui le voyait. C'est vrai, il n'y avait personne qui le voyait. Mais l'Éternel le voyait. Comment ça s'est passé? Après tout, mais c'est une histoire que vous connaissez très bien. Il a fait tuer même son mari. Il a fait tuer à la guerre, au front. Et on l'a pleuré, on a organisé le deuil, c'était terminé. Et après quoi? David maintenant a pris sa femme au vu et au su de tout le monde. C'est ma femme. Dieu connaît les problèmes de tout un chacun. C'est Dieu qui connaît le problème de toute âme. L'âme d'un fils de Dieu n'est pas cachée devant l'Éternel. Et après il lui envoie Nathan. Va lui dire. Ce qu'il a fait, je connais, j'ai tout vu. Nathan est allé voir David. Je ne vous épargne des détails parce qu'il n'y a pas le temps. Quand c'est arrivé ainsi, David a été condamné. Et l'enfant qui sera né va mourir. David a pleuré. Il a pleuré. Amen. Amen. C'est ça le cœur des enfants de Dieu. non l'orgueil, si la parole est prêchée, et nanyukumu, je ne dois point m'enorgueillir, je ne dois pas m'enorgueillir, humilie-toi. Moi je n'étais pas là où tu commettais les péchés, le serviteur de Dieu n'était pas avec toi. Maintenant pourquoi tu te fâches contre lui? David s'est humilié, il a pleuré, et Dieu lui envoya son serviteur pour lui dire que, va le lui dire, j'ai entendu, ses pleurs sont repentis, demande pardon, répands-toi devant Dieu, jusqu'à ce que tu aies la conviction que réellement l'Éternel m'a pardonné. Amen. Amen. Et c'est alors que Dieu l'appela David. C'est un homme ayant un cœur comme l'Esprit de Dieu. Il revient en lui-même rapidement. Il reconnaît facilement ses fautes. Il reconnaît facilement ses fautes. Toi aussi. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que tu reconnais facilement tes fautes? Amen. Amen. Est-ce que tu reconnais rapidement? Amen. Amen. Ne te vante pas. Humilie-toi devant Dieu. Dieu rabaisse tous les orgueillers. Regarde, si nous parlons de la sorte, ce n'est pas pour perdre le temps, dans la parole de Dieu, pour que tu tiennes ferme avec cette parole de Dieu, combat contre les Goliaths d'orgueil qui se trouvent en toi, combat contre ces Goliaths de cupidité qui se trouvent en toi, ces démons-là d'envie, combat contre lui, combat contre lui. Il faut les terrasser pour que toi, parce que toi tu as le pouvoir de la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu peux. Et tu es déjà tombé. Mais tu te vantes à cause de ce que tu avais fait. Tu es en train de te vanter, de glorifier parce que Dieu t'avait utilisé de la même façon que Samson. Deux fois, on l'avait fait coucher sur les cuisses. La femme, la Delila, l'avait fait coucher sur ses cuisses. Alors que, comme si elle le caressait, alors que c'était juste pour soutirer son secret de sa force qui était en lui. Amen. Amen. Comment on peut te lier? Amen. Amen. Comment on peut te lier pour que tu sois comme tous les hommes? Ma soeur, que puis-je faire? Qu'est-ce qu'il faut donner pour que tu sois comme toutes les femmes? Oh, donne-moi $100. Quoi? Shuja, tu as apporté la honte à la parole de Dieu. Toi, héros, tiens-toi ferme. Samson, réveille-toi. Les ennemis sont là, les Philistins sont sur toi. Lève-toi, Samson. Samson dit, je sais comment je me suis toujours tenu, je vais les tabasser. Il s'est mis debout. Il venait d'où? Sur les cuisses de cette prostituée. On l'a lié, héros est tombé à cause d'une prostituée. Lui, serviteur de Dieu, il est tombé. Tenez-vous ferme et éloigne-toi de cet esprit-là. Il s'est mis debout avec toute son onction. Quand bien même il avait l'onction, Dieu l'avait déjà abandonné. Dieu n'était pas avec lui. Dieu l'avait déjà abandonné. Tu ne le sauras pas. Si tu es orgueilleux, tu ne sauras même pas le jour où Dieu t'a abandonné. Amen. Amen. Samson, les Philistins sont sur toi. T'es mis debout. Oui. Alors que c'était le jour où on l'avait déjà arraché toute sa puissance. Amen. Amen. Vous voyez, si un homme fait la cour, il veut te courtiser, il ne le fera pas seulement en un jour, deux jours, il s'arrête. Ce qui est en lui, ce qui arrive à te faire tomber, et c'est alors qu'il va avaler la salive. Mais quand tu vois seulement le premier jour, toi aussi prends l'arme, prends la parole de Dieu, tiens-toi pas de complaisance. Il veut te ravir quelque chose de si précieux qui se trouve en toi. Samson a livré son secret. Moi, je serai faible si jamais on me rasait toute la tête. Je serai comme tous les hommes. Garde ton, le secret de ta foi. Ne livre pas. Nous ne disons pas tout. Tu connais là où tu as tiré ta force. Garde ça. Continue à prier Dieu qu'il te fait réussir. Maintenant, Jésus, quel est le jour où tu vas venir? Il ne l'a pas dit. Il a gardé cela, c'est son secret. Qui peut le condamner? Personne. Toi aussi, tu dois savoir comment Dieu te fait réussir. C'est ton secret, Nisiriako. Il ne faut pas livrer ton secret au diable. Il va se moquer de toi. Il va s'infiltrer en toi par ton secret. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse ce soir.